franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la guerre des Malouines. En 1982, sur un bout de terre perdu au fin fond de l'Atlantique Sud, deux pays se livrent une guerre de 74 jours à coups de missiles sol-air. L'enjeu, la souveraineté sur un îlot désertique. Particularité de taille, les deux belligérants sont deux alliés sur l'échiquier plus large de la guerre froide. D'un côté, on retrouve les Britanniques, gouvernés par leurs dames de fer et ses navires de combat de dernière génération. Eux ne veulent à aucun prix céder les Malouines. De l'autre, les Argentins, menés à la baguette par une junte militaire armée d'avions Mirage et de missiles français, les fameux Exocet. Eux veulent à tout prix récupérer l'archipel. Résultat de cette confrontation, de l'encre, avec une couverture médiatique exceptionnelle, du sang, car ce n'est pas une guerre d'opérette, plus de 900 morts tout de même, 900 soldats sacrifiés sur l'autel de la déraison politique, tant ce conflit fut celui de tous les paradoxes. Dans le sillage d'une dialectique simpliste selon laquelle les ennemis de mes ennemis sont mes amis, cette guerre de deux mois génère des alliances et des positionnements surréalistes. Où l'on voit Washington se désolidariser d'un pays, l'Argentine, qu'il a pourtant toujours couvé. Ou Moscou, qui fait preuve d'un comportement très ambigu, probablement au seul motif que l'Argentine est en conflit avec un pays membre de l'OTAN. Après le récit, nous recevrons Pascal Delannoy, chroniqueur à France Info, ancien directeur de cette station. Auparavant, il était l'envoyé spécial permanent de Radio France à Londres entre 1981 et 1987. Cette guerre des Malouines, il l'a vécue heure par heure aux côtés des Britanniques. Il nous livrera son témoignage et ses analyses. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carat avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Fabrice Lègle. Lecture, Aurélien Labruyère. Programmation musicale, Muriel Perez. À la technique aujourd'hui, Guillaume Moreau. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Depuis des siècles, les enjeux territoriaux sont la source de conflits. Qu'ils soient politiques, diplomatiques ou encore militaires, partout à travers le monde, le scénario est le même. Amplifié par l'euphorie d'une période ou d'un contexte, il se termine le plus souvent dans le sang. Le XXe siècle, âge des extrêmes, comme l'écrivait l'historien Eric Hobsbawm, n'échappe pas à cette règle, bien sûr, avec ces deux guerres mondiales. Au tournant des années 50, avec la guerre froide et les mouvements de décolonisation, apparaissent sur la carte du monde de nouvelles zones de tension, souvent vestiges de conflits plus anciens. C'est le cas, par exemple, du Sahara occidental, lieu de discorde entre l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. C'est le cas aussi de la région du Cachemire, véritable poudrière entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, c'est également le cas, plus surprenant, pour un archipel grand comme une fois et demie la Corse, battu par les vents glacés de l'Atlantique Sud et dont personne ou presque ne connaît l'existence, les îles Malouines. Après avoir été français, mais oui, Saint-Malo, Malouines, puis espagnol, l'archipel est administré par le Royaume-Uni depuis 1833. Il est situé aux limites des terres australes, à 400 km à l'est des côtes d'un pays d'Amérique du Sud, l'Argentine. Peuplé de 3000 habitants, en majorité des fermiers, et par plus de 700 000 moutons, l'archipel possède une caractéristique inédite. Il apparaît sur les cartes sous deux noms différents. En Amérique du Sud, en Espagne ou en France, on peut lire « Île Malouines ». Mais dans le monde anglo-saxon, l'archipel devient celui des Falklands. Malouines, Falklands, en toile de fond, se cache un contentieux vieux de 3 siècles entre le Royaume-Uni et l'Argentine. Pour les résoudre, les Nations Unies chaperonnent dès 1965 un programme de négociation autour d'une question récurrente. Mais pourquoi donc les Anglais s'entêtent-ils à garder un minuscule territoire aux enjeux économiques quasi nuls, situé à plus de 10 000 km de chez eux? Pourquoi n'acceptent-ils pas de le céder aux Argentins, qui eux sont si proches de l'archipel? Pour le comprendre, et comme souvent, il faut regarder une carte. Et là, on se rend compte de la position stratégique qu'occupent les Malouines dans la course à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures de l'Antarctique. Et ça, évidemment, ça change tout. Au mois de mars 82, après des années d'errance, le dossier des Malouines revient sur le devant de la scène lorsqu'on apprend qu'un groupe de ferrailleurs argentins s'est installé en toute illégalité sur une petite île proche de l'archipel et qu'ils y ont hissé sur un mât la bandera Idolatrada, le drapeau blanc et bleu de l'Argentine. S'agit-il d'une simple provocation orchestrée par Buenos Aires? Non. En réalité, s'écrivent ici les premières lignes d'une opération militaire de plus grande échelle. Une opération dont le prochain acte aura lieu quelques semaines plus tard. Dans la nuit du 1er au 2 avril 1982, la mer est plutôt calme au large des Malouines. La lune blanche éclaire l'horizon. Dans ce décor pictural, on aperçoit plusieurs petites embarcations rapides qui foncent en direction de l'archipel. À leur bord, des hommes vêtus de noir. Il s'agit des commandos de fusiliers marins, le corps d'élite de l'armée argentine. Leur destination, Port Stanley, la capitale des Malouines. En l'espace de 45 minutes, un peu plus de 4000 soldats en armes débarquent en terre anglaise. Leur mission est simple et elle répond au nom de code Azul, bleu en espagnol. Elle consiste à prendre possession des infrastructures de communication, de transport et de sécurité sur l'île. Parmi ces lieux, il y a bien sûr la station de radio des Malouines. Comme en témoigne cette incroyable archive extraite du documentaire d'Alan Wilson et Peter Kominski, La guerre des Malouines, une production YTV en 1987, dans laquelle le présentateur de la radio locale devient, malgré lui, un acteur de l'événement. Ici, la station radio des Falklands. Nous venons juste de recevoir un appel d'Alistair Grave. Alistair, si je comprends bien, vous avez vu certains des véhicules ? Tout ce que j'ai vu, c'est de la fumée. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Mais il y a eu de grosses explosions. Et puis tout s'est mis à trembler. C'est assez angoissant. On entend des mitrailleuses et des tirs de pistolet. Et d'où est-ce que vous nous parlez ? Êtes-vous debout, assis ? Je suis allongé par terre. Comme vous l'entendez peut-être, la situation se complique pour nous. La radio vient d'être prise d'assaut. Nous avons trois militaires argentins ici. Tout est enregistré sur deux cassettes. Oui. C'est pour diffuser à la population. Juste un instant. Si vous éloignez cette arme, je diffuserai l'information. Je ne parle pas avec une arme dans le dos. Après avoir pris le contrôle de la radio, un contingent de 300 hommes fonce vers la résidence du gouverneur britannique Rex Hunt. L'homme, qui a connu 7 ans plus tôt l'évacuation en urgence de Saïgon, comprend très vite que ses 80 marines ne feront pas le poids. Aux abords de la résidence, des coups de feu éclatent. Un soldat argentin est tué et deux autres sont blessés. Des échanges de tirs continuent pendant près de 3 heures. Avant qu'enfin, le gouverneur Hunt n'accepte de se rendre pour éviter un bain de sang. Vers 5 heures du matin, les Argentins prennent possession des Malouines et décrètent la loi martiale. Port Stanley est rebaptisé Puerto Argentino et le drapeau bleu et blanc flotte au-dessus de la résidence du gouverneur britannique. Une victoire à la Pyrrhus pour Buenos Aires, une victoire tout de même, estime la junte. Le lendemain matin à Londres, les informations les plus folles circulent car personne ne sait exactement ce qui se passe dans l'Atlantique Sud. Prise au dépourvu, le gouvernement de Sa Majesté reste d'abord silencieux. Puis, dans un réflexe digne d'une dictature ou d'une démocratie menacée par une guerre, de notions qui se rejoignent, le Foreign Office dément l'invasion. Quelques heures plus tard, tout de même, la démocratie reprend ses droits et le peuple est informé. Face aux parlementaires, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères confirme que les Malouines ont subi une opération militaire étrangère. L'opinion publique est sous le choc. Au 10 Downing Street, cabinet du Premier ministre, Margaret Thatcher est en pleine réunion de travail avec son conseil de guerre. Depuis le milieu de la nuit, les fonctionnaires de la Défense et des Affaires étrangères sont réunis à huis clos. Mais pour l'instant, personne ne sait quelle sera la réaction des autorités britanniques. Samedi 3 avril, après le flottement de la veille, la presse outre-Manche est très critique. Les éditorialistes pointent du doigt les responsabilités des politiques dans ce fiasco, comme en témoigne le correspondant d'Antenne 2 à Londres, Bernard Rapp. À la une du Sun, le grand quotidien populaire britannique, on peut ainsi lire en lettres énormes, c'est la guerre. Le Sun qui ajoute que la Grande-Bretagne est prête à riposter. C'est la honte, titre de son côté le Daily Mail, qui insiste sur l'humiliation subie hier par les Britanniques. Il faut bien dire que dans la grande presse d'opinion, le ton n'est pas vraiment différent. Le Guardian, enfin, insiste sur la rude journée que va vivre aujourd'hui le gouvernement britannique. Rude journée, en effet, puisque Margaret Thatcher va devoir expliquer devant les députés britanniques l'indécision et la lenteur de son gouvernement dans cette affaire. Personne en effet ici ne comprend pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Lord Carrington, a attendu la fin de l'après-midi d'hier pour confirmer l'invasion. Et puis personne ne comprend non plus pourquoi le ministre de la Défense n'avait pas pris de dispositions suffisantes alors que le danger était connu. Si l'affaire des Malouines consterne l'opinion, c'est qu'elle écorne profondément l'amour-propre des Britanniques. Enfin, comment la cinquième puissance mondiale a-t-elle pu laisser un pays de seconde zone, comprenez l'Argentine, lui soustraire un bout de son territoire ? Certes, on nuancera en précisant que les Malouines ne représentent que 0,20% du Royaume-Uni, un endroit perdu dans l'océan, à plus de 12 000 km, et sur lequel vivent plus de moutons que de bergers. Il n'empêche, pour le Royaume-Uni, il s'agit là d'une atteinte à son prestige et, plus grave encore, à sa souveraineté. Chahutée dans la presse et bousculée par l'opposition travailliste, Margaret Thatcher sait que son gouvernement est sur la sellette. Dos au mur, elle convoque le Parlement pour une séance extraordinaire. Pour la première fois depuis l'affaire du canal de Suez en 1956, les députés se réunissent en urgence un samedi matin à Westminster. L'émotion est vive. Avant la séance, un député interpelle la première ministre. « Mais enfin, madame Thatcher, de quel métal êtes-vous faite ? Prouvez-nous et prouvez au pays que vous méritez votre surnom de dame de fer. » Quelques minutes plus tard, c'est dans ce climat houleux que Margaret Thatcher prend la parole. Prime Minister. Monsieur le représentant, nous sommes réunis car pour la première fois depuis des années, le territoire souverain du Royaume-Uni a été violé par une puissance étrangère. Monsieur le représentant, je suis sûr que tous les députés de la Chambre se joindront à moi pour condamner cette provocation du gouvernement d'Argentine contre le territoire britannique. Cet acte n'a pas la moindre justification et encore moins de fondement légal. Je me dois de redire devant la Chambre que les îles Falklands font partie du territoire britannique. Aucune agression et aucune invasion de ces territoires ne peut donc être tolérée. L'objectif du gouvernement est de voir ces îles retrouver leur liberté et de redevenir anglaises. La foule de députés applaudit et vote à la quasi-unanimité les trois propositions du gouvernement. Parmi elles, le gel de tous les avoirs argentins détenus dans les banques au Royaume-Uni et un embargo sur les produits en provenance d'Argentine. Mais sans nul doute, la proposition qui retient toute l'attention, c'est celle qui prévoit le départ de la flotte royale de Sa Majesté en Atlantique Sud. Le soir même, à la télé, devant plus de 20 millions de téléspectateurs britanniques, Margaret Thatcher endosse ses habits de chef de guerre et se justifie, affirmant, je cite, « Pour obtenir la paix, il nous faut préparer la guerre ». El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Au même moment, dans l'hémisphère sud, l'ambiance est radicalement différente. Depuis le balcon de la Casa Rosada, le général Galtieri, chef de la junte au pouvoir en Argentine, exulte et revendique la victoire de son pays sur les Malvinas. Une victoire célébrée dans la joie et l'allégresse par plus de 40 000 personnes réunies sur la Plaza de Mayo, à Buenos Aires, la fameuse place de mai. Au son des tambours, la foule scande « Argentina » et déplie des banderoles sur lesquelles on peut lire « Les pingouins nous appartiennent aussi ». Derrière les apparences, ce coup de force de la junte militaire sur les Malouines cache en réalité une opération de diversion politique. Voilà plusieurs années en effet que la situation économique est catastrophique en Argentine. Un chômage de l'ordre de 15%, une inflation de 150% et une dette abyssale. Alors, quand on n'est pas capable de changer les choses, il reste un levier, la corde patriotique et nationaliste. Et puis, la junte militaire est persuadée que Londres joue la carte du bluff et que les Britanniques n'enverront pas leur flotte. Au pire, pense-t-on, ils tenteront d'obtenir une résolution de l'ONU. Autre élément qui conforte les Argentins dans leur démarche, l'endoctrinement scolaire qu'ils ont reçu depuis plusieurs générations. Dans ce pays, on apprend dès le plus jeune âge à l'école que les Malouines britanniques, c'est le vol d'un territoire argentin par une puissance coloniale. Et c'est bien l'avis du numéro 2 de la marine argentine, l'amiral Senner. Pour lui, cette situation est même comparable avec celle de la France. Nous sommes préparés parce que c'est un problème réellement de dignité nationale. Et sur ces choses, mes amis, vous savez bien que c'est le même type d'indemnité que vous avez joué dans la guerre, la Première Guerre mondiale. La même sensation que vous avez eue à cette époque-là sur le dépouillement qu'a fait l'Allemand de l'Alsacie-Lorraine, c'est la même que nous avons supportée pendant 149 ans. Et pourtant, nous défendrons ces problèmes de la même façon que les Français ont défendu avec héroïsme et dignité l'Alsace et la Lorraine. Portsmouth, province sud de l'Angleterre. Voilà 5 jours que le bras de fer des Baldwin monopolise le débat politique. 5 jours que les Argentins tiennent tête aux Britanniques. 5 jours de trop pour Margaret Thatcher, qui met la menace anglaise à exécution. La flotte, la Royal Navy, reçoit l'ordre de se préparer à partir. Sur la base navale de Portsmouth, l'orchestre de la garde nationale joue des airs de parade devant les navires amarrés à quai. Pour de nombreux témoins, la scène en rappelle d'autres, celle de l'époque glorieuse où la reine Victoria envoyait les vaisseaux de la couronne conquérir les terres lointaines d'Extrême-Orient. Oui, à la différence qu'ici, les uniformes ont remplacé les robes longues et que les missiles de croisière ont remplacé les canons à poudre. Présent sur place, le correspondant de France Inter à l'époque, notre invité d'aujourd'hui, Pascal Delannoy, raconte. Dans la bonne humeur que se poursuivent ces préparatifs. Les 1800 marins de l'Invincible, le porte-avions qui doit prendre la mer en fin de matinée, sont tout à fait détendus et décontractés. Pas une seconde, ils ne donnent l'impression de partir, qui sait, à la guerre. Un sentiment renforcé, c'est évident, par l'âge moyen à bord du bâtiment, à peine 20 ans. Cette sérénité n'empêche pas une grande conscience professionnelle. Depuis 24 heures, l'équipage travaille sans relâche pour organiser au mieux ce voyage qui doit durer au minimum un mois aller-retour. Sur le pont, les hélicoptères anti-sous-marins et les avions à décollage vertical ont désormais tous gagné leur emplacement. Et on vient de ramener le petit drapeau rouge qui flottait en haut des mâts, signe qu'à présent, toutes les munitions sont à bord. Sur les quais, en revanche, les embouteillages de camions sèment toujours la confusion. Ce sont des tonnes de rations alimentaires qui s'entassent, sans parler des centaines de caisses de bière acheminées jusqu'au cale par des deuxièmes classes qui font la chaîne. Qu'on ne s'y trompe pas, cette atmosphère bon enfant cache une véritable détermination. John Nutt, le ministre de la Défense, a été clair. Si nous ne pouvons pas trouver de solution diplomatique, nous nous battrons et nous coulerons, s'il le faut, des bateaux argentins. À Davenport, Fast Lane ou encore Gibraltar, le scénario est le même. Sur toutes les bases de la Royal Navy, ce sont un peu plus de 70 navires, des croiseurs, destroyers, frégates, porte-avions, sous-marins qui apparaissent et qui viennent rejoindre les rangs de la Taux Force de libération des Malouines. Il s'agit là de la plus grande flotte de guerre qui n'ait jamais navigué par temps de paix. Une flotte qui représente un peu plus de 2/3 de toutes les forces navales et aériennes dont dispose la couronne britannique, c'est dire. Les scènes de départ sont joyeuses. Sur les bannières accrochées au bastingage, les messages traduisent l'état d'esprit qui anime ces jeunes marins en route pour le bout du monde. Nous partons libérer l'Angleterre, nous reviendrons bientôt, que Dieu protège la reine. Au même moment, la BBC, toujours prête à se mobiliser quand les intérêts du pays sont en jeu, diffuse plusieurs séries de messages sur ses ondes internationales à l'attention des Malouines. Londres appelle les îles Falklands sur 15.40 et 11.82 MHz sur la bande FM 1925. Allô, mes amis des Falklands. Je vous envoie toutes mes pensées. Tenez le coup, restez forts, nous arrivons. Londres joue-t-elle la carte du bluff ? Pour de nombreux observateurs internationaux, cette opération n'a qu'un seul but, intimider les militaires argentins et les contraindre à retirer leurs troupes des Malouines avant que la flotte britannique ne s'en charge. Si l'affaire du conflit aux Malouines se limite à 2 belligérants, elle embarrasse sérieusement un 3e pays, les États-Unis, qui se retrouvent dans une situation délicate. Car le conflit oppose 2 de ses alliés historiques. D'un côté, le Royaume-Uni, le cousin européen avec lequel les liens culturels, économiques et politiques sont inébranlables. De l'autre, l'Argentine, tête de pont de la lutte contre le communisme sur le continent sud-américain, un soutien de poids dans le cadre de la guerre froide. Alors, quel parti prendre ? Comment sauver cette précieuse double alliance ? Au sein de l'administration Reagan, on s'interroge. Doit-on choisir entre la solidarité inter-américaine ou l'alliance transatlantique ? Pour tenter de dénouer la crise, les Américains se proposent de jouer les médiateurs. Leur secrétaire d'État, le général Alexander Haig, se lance alors dans une intense bataille diplomatique de tous les instants. Un jour à Londres, le lendemain à Buenos Aires, il est sur tous les fronts pour recoller les morceaux. Mais il fait face à une intransigeance argentine qui n'a d'égal que celle de la Grande-Bretagne, chacun étant persuadé que l'archipel lui appartient et qu'il n'a rien à négocier avec qui que ce soit. Fort de son soutien au Conseil de sécurité, les Britanniques obtiennent très vite le vote d'une résolution onusienne intitulée « Résolution 502 ». Elle demande en substance l'arrêt des hostilités, le retrait des Argentins des îles occupées et un passage obligatoire par la case négo. De leur côté, l'Europe et la France votent un embargo immédiat sur la vente d'armes et de technologies militaires à l'Argentine. Il faut empêcher la junte militaire à Buenos Aires de mettre la main sur des armes et en particulier des missiles qui pourraient, le cas échéant, être utilisés contre les navires de la Royal Navy. Dans l'Hexagone, un début de polémique enfle. De nombreux universitaires et intellectuels voient d'un mauvais œil cette prise de position pro-anglaise dans le conflit. Pour eux, l'isolement de l'Argentine risque d'avoir pour seule conséquence de renforcer sa détermination à aller jusqu'au bout. Sur le plateau d'Antenne 2, le ministre des Affaires étrangères, Claude Cheysson, justifie cette décision diplomatique, prise, on s'en doute, par François Mitterrand lui-même. Nous avons été les premiers à nous solidariser avec l'Angleterre. Nous devons le faire tout de suite. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Notre solidarité a été totale. Elle n'est liée à aucune autre affaire. Nous avons certainement eu la position la plus ferme aux côtés des Anglais. Aux côtés des Anglais, parce que la résolution du Conseil de sécurité, qui a une valeur exécutoire, n'est pas respectée. Et que ceux-ci ne pourront pas l'accepter. Ils ne pourront pas accepter qu'il y ait une invasion militaire, ils ne pourront pas accepter qu'une décision du Conseil de sécurité, votée par un très grand nombre de pays, y compris des pays du tiers-monde, y compris un pays d'Amérique latine, soit ignorée. Tant que cette résolution ne sera pas respectée, nous soutiendrons les Anglais, c'est très clair. Malgré des pressions économiques et diplomatiques toujours plus fortes, l'Argentine ne cède pas. Deux semaines après son invasion éclair des Malouines, les négociations demeurent au point mort. L'inquiétude grandit, car entre-temps, un nouvel acteur s'est immiscé sur l'échiquier des pourparlers, l'autre super grand de la guerre froide, l'Union soviétique. Et bien sûr, cela donne une toute autre proportion au conflit. Présent sur place en Argentine, le correspondant de l'AFP, Michel Leneau, confirme qu'une véritable course contre la montre pour la paix est bien lancée. La flotte britannique a franchi l'équateur. L'Argentine est décidée à se battre si la Grande-Bretagne ne veut pas admettre ce qu'elle considère comme une légitime revendication historique. Les militaires argentins savent qu'ils n'ont pas le plus mauvais rôle. Toute l'Argentine est unie derrière eux, déterminée à repousser toute attaque. Vis-à-vis de Washington, leur argument est de taille aussi, puisque Moscou est prêt à leur porter secours. Le général Galtieri ne l'a d'ailleurs pas caché au général Haig. Si Washington soutient trop Margaret Thatcher et si les événements militaires l'imposent, l'Argentine acceptera l'assistance que propose le Kremlin. L'enjeu n'est plus seulement une question de souveraineté sur quelques îles. Buenos Aires a placé la barre beaucoup plus haut. Alors, va-t-on réussir à éviter la guerre? Va-t-on réussir à protéger la paix? Ou bien est-il trop tard? Si la luna me accompagne, lo voy a cantar. Cuando mires las estrellas, lo vas a escuchar. ¿Qué ingrediente tiene esta canción? ¿Qué será? Le pusimos tierra y mar. Cerquita de medianoche, yo voy a rimar. Y al otro lado del planeta, el sol brillará. Las vueltas del mundo, ¿quién comprenderá? Solo vení a soñar. On a de plus en plus en plus de mal. Un peu plus de clown. Triste et moins de carnaval. On avait cru en vain au siècle où hommes et femmes seraient plus humains à part quelques cannibales qu'on a mangés en sentant une œillette de fruits sur le califat. C'est comme un grec frite, ça t'écœure après trois. Afrique, Middle East, Europe, Latine, America. Même réveil sous les mêmes drones. Si la luna m'accompagne, lo voy a cantar. Quand mires las estrellas, lo vas a escuchar. Ingrediente tiene esta canción, que será. La scène est en vente, elle déborde de larmes. On croit de moins en moins aux dieux, aux âmes. On est tous à deux doigts de plonger dans la carne. Victor Platine America. Même soleil que la veille, mais des ratatata. Por favor, yo no quiero que te vayas. Quiero que libremos juntos todas las batallas. Quiero yo más noches para estar contigo. Y quiero más días por el mismo motivo. Por favor, yo no quiero que te vayas. Quiero que libremos juntos todas las batallas. Quiero yo más noches para estar contigo. Y quiero más días por el mismo motivo. Solo venimos a soñar. Solo venimos a soñar. Attention, voilà 5 mirages qui arrivent. Attention, il y a encore 5 mirages qui arrivent de nouveau. Il y en a un qui vient juste de larguer une bombe à côté. Ah, il est passé juste. Ouais, on l'a touché. 30 minutes après, les Argentins ont envoyé une deuxième vague d'assaut de Mirage. Ils venaient du continent et ils volaient à très très basse altitude, juste au-dessus des flots. Et après être passés au-dessus des montagnes, ils nous ont tourné au-dessus, ils sont passés au-dessus des navires et ont largué plusieurs bombes à proximité des bateaux. Stanley, archipel des Malouines, 1er mai 1982. Depuis 24 heures, l'impressionnant contingent de la flotte britannique encercle les îles. Une stratégie du blocus qui constitue le dernier avertissement de Margaret Thatcher à la junte militaire argentine. Quelques jours plus tôt, les SAS, les forces spéciales, ont lancé aussi un terrible avertissement en ne faisant qu'une bouchée de plusieurs petites îles plus au large. Mais loin de se laisser impressionner, les Argentins répliquent. Dans le ciel, une lutte féroce oppose les Sea Harrier, avions à décollage vertical, britanniques, au Mirage 3, argentins. Les Anglais bombardent l'aéroport quand les Argentins visent leur navire. Le même jour, Washington sort de l'ambiguïté et affirme son soutien à Londres. Buenos Aires vit cette décision comme une nouvelle humiliation. Le lendemain, le 2 mai 1982, un sous-marin britannique coule le navire amiral de la flotte argentine, le croiseur Belgrano. Le bilan est dramatique, 323 morts parmi l'équipage. En réaction, les Argentins détruisent l'un des bâtiments les plus modernes de la Royal Navy, l'HMS Sheffield. Bilan, 30 morts et 24 blessés chez les Britanniques. L'affaire du Sheffield défraie rapidement l'actualité outre-Manche, mais aussi en France. Lorsqu'on apprend que l'avion responsable de l'opération ainsi que le missile qui a été tiré sont tous deux de fabrication française, il y a, disons, comme une gêne. Certes, l'avion avait été vendu avant l'embargo, mais les Britanniques soupçonnent les Français d'avoir continué leur contrat de maintenance au sol. Le titre du journal Sunday Times est laconique mais cinglant. La French Connection a-t-elle envoyé par le fond le Sheffield ? Par la suite, et pendant près de deux semaines, le conflit prend des allures de bataille navale. On joue au coup par coup, on se répond souvent à l'aveugle. À défaut d'engager un affrontement frontal, les forces aéronavales d'Argentine et la Royal Navy jouent l'usure. Mais à ce petit jeu, ce sont les Britanniques qui prennent avantage. Leur défense antiaérienne provoque une hécatombe parmi les avions de chasse ennemis. Et au sol, désormais isolés du continent, les soldats argentins doutent. Alors, la dictature dégaine son arme favorite, la propagande, comme en témoigne cette archive de la Radio Nationale Argentine, dans laquelle l'aumônier des Malouines, José Fernandez, parle aux Argentins avec des propos volontairement rassurants. Bonjour, bonjour, tout va bien, soyez rassurés. Je ne vous mens pas, chacun est à son poste. Pour nous, tout va bien, pour les Argentins, tout va bien, mais c'est pour eux, les Anglais, ça va mal. Le moral des troupes est très élevé. Salut les mères des soldats, leurs épouses et leurs enfants. Qu'ils soient rassurés, qu'ils ne pleurent pas. On se verra bientôt. Ici, on sait pourquoi on est là. On défend notre patrie. Comme le président Galtieri l'a dit, on est là jusqu'à la victoire finale. Dans l'Atlantique Sud, les jours passent et la guerre psychologique fait rage. Pour les médias, la question est de savoir si les Anglais vont se risquer à débarquer. Du côté argentin, on en doute. Un combat au sol pourrait leur occasionner de lourdes pertes. Qui plus est, avec le début de l'hiver austral et le brouillard, les conditions d'approche des navires sont délicates. Alors, dans le plus grand secret, l'amiral John Woodward, chef du détachement britannique, décide de scinder sa flotte en deux parties. La première, visible pour la presse et l'opinion mondiale, l'autre, discrète, pour l'ombre et l'efficacité. Que préparent donc les Anglais ? La réponse intervient deux semaines plus tard, le 26 mai. Alors qu'on croit la flotte britannique repartie plus au large pour manœuvrer, se réarmer, une armada se présente face à Port Darwin et Green Goose. Il s'agit de la seconde partie de la flotte. Les Argentins sont pris à revers. La brillante stratégie de l'amiral John Woodward fonctionne. Les soldats de Sa Majesté débarquent en pleine nuit sur les Malouines, comme en témoigne à Londres Pascal Delannoy. La Grande-Bretagne est en tout cas très fière de ses commandos de la Navy, ces 5 ou 6 groupes de 200 hommes chacun qui, à 3 heures du matin, la nuit dernière, ont réussi à prendre le pied sur les Malouines et surtout à établir donc une tête de pont. Très vite, les combats se sont engagés. Un peu plus tard, les avions de chasse Sea Harrier ont bombardé des dépôts de munitions à Fox Bay sur l'île ouest et à Port Stanley sur l'île est. Bombardement également à partir des navires de la force d'intervention. Des succès tout de même assombris par l'accident d'un hélicoptère Sea King qui a entraîné la mort de 21 soldats. Mais c'est demain seulement que le ministère de la Défense présentera le bilan de cette journée. Début juin, les 5000 hommes des commandos de la Royal Navy avancent à allure réduite en direction de la capitale, Port Stanley. Sur leur passage, les affrontements avec les bataillons argentins sont très violents. Désorganisés, désemparés, les hommes du général Galtieri refusent pourtant d'abandonner. Mais très vite, ils doivent se rendre à l'évidence. Jour après jour, les soldats ennemis se rapprochent de Port Stanley. Le 13 juin, les paras britanniques encerclent la ville. Le lendemain, le général argentin Melendez capitule. La guerre des Malouines prend fin. Après 2 mois et demi de tension, les Anglais sont de nouveau maîtres de l'archipel sur lequel on hisse fièrement l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Mais le bilan du conflit est lourd. 649 Argentins et 255 Britanniques perdent la vie. De part et d'autre, on compte une quinzaine de navires coulés et autant d'avions détruits. Mais le conflit bouleverse aussi la donne politique des pays impliqués. À Buenos Aires, la junte au pouvoir depuis 1976 est renversée, des élections démocratiques sont organisées. À Londres, au contraire, Margaret Thatcher et le Parti conservateur ressortent renforcés. Grâce à cette popularité plus haute que jamais, la première ministre britannique remporte des élections anticipées l'année suivante. Si rétrospectivement la victoire britannique dans la guerre des Malouines apparaît facile et rapide, elle fut en réalité basée sur un grand coup de bluff du début jusqu'à la fin. Certes, mais un jeu dangereux qui a débouché tout de même sur la plus grande bataille navale de la fin du XXe siècle. Gods of their own team. There is no female hooligan in basilic filled with murder. No, not even in Britain, except for sure Madame Thatcher. I love woman just because when she's sitting at the wheel, there's no man-like sense of loss. No urge to kill is yours to feel. Slightly damaged headlight or 2 fingers in the air. There are those who wish to fight to the death if they but dare. And a pure set favorite signs. There's no woman so vulgar to use this symbol all the time, except perhaps Madame Thatcher. How I love you, dear woman. You don't go to war to die, because the vision of a gun does not make you pant and sigh. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la guerre des Malouines avec notre invité Pascal Delannoy. Bonjour. Bonjour Fabrice. Chroniqueur chez nos amis de France Info, vous avez été, Pascal, l'envoyé spécial permanent de Radio France à Londres entre 1981 et 1987. Vous avez donc été un témoin privilégié de cette affaire. Quand vous entendez, vous réentendez tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire comme souvenir? Quelle histoire, hein, quelle histoire, parce qu'on a l'unité de temps, c'est assez rapide hein, finalement, 74 jours. Deux mois et demi, pile. Deux grands acteurs, quand je dis deux, c'est pas le chiffre, des grands acteurs dont vous avez eu raison de souligner, par exemple, la part jouée par Reagan, par Brejnev qui est de l'autre côté, par Mitterrand, qui appelait, je le rappelle, Miss Thatcher... Caligula, donc vous imaginez la relation, et j'insiste un peu sur la psychologie, sans oublier Galtieri à Buenos Aires, parce qu'au fond, il y a eu, voilà, c'est une pièce de théâtre, il y a eu des acteurs qui ont joué gros, chacun. Je pense que tout le monde a été plus ou moins perdant, avec le recul qu'on a aujourd'hui, mais c'est une histoire qui malheureusement contient encore beaucoup de secrets et de mystères. Il y a plusieurs choses que je ne comprends toujours pas. Lesquelles, par exemple? Alors, il y a une actrice dont on n'a pas parlé, c'est la monarchie finalement, c'est la reine elle-même. Vous savez que le Premier ministre britannique, la Première ministre à l'époque, voit toutes les semaines la reine Elisabeth à Buckingham. Ils se parlent, la reine n'a aucun rôle, on le sait, elle n'a même pas le droit de voter. Mais tout de même, quand on atteint la couronne, on atteint son prestige, au prestige du pays. On sait que les relations entre Maggie Thatcher et la reine Elisabeth n'ont pas été bonnes. Maggie Thatcher, c'est, certains le rappelaient assez souvent, la fille de l'épicier. Alors c'est assez cruel de dire, voilà, d'où vient-elle? Même si elle a fait une étonnante carrière politique, mais vu de la monarchie, il y a un peu ce regard. Et puis, vu de Maggie Thatcher, qui a le pouvoir, hein, qui a les armes, qui a le pouvoir de dire on y va, il y a tout de même vis-à-vis de la royauté, de la reine, une obligation absolue de lui demander son avis. Et moi, je rêve de savoir un jour, mais là, c'est peine perdue, qui a dit quoi à qui? Est-ce que la reine a insisté pour dire « Allez-y, je vous demande d'y aller, c'est une honte, c'est une tâche sur la couronne et l'Union Jack » ou pas? Après tout, il y a eu ce temps de négociation qui est un peu bizarre, même si finalement, et je suis assez d'accord, c'est du bluff. Je pense que dès le départ, Madame Thatcher savait qu'elle allait à la guerre, elle en a pris en tout cas le risque. Mais la part, le rôle assumé par la reine est, je crois, assez intéressant. J'ai une toute petite parenthèse, très récemment, au moment du référendum, enfin, il y a deux ans sur l'Écosse, on sait qu'elle a dit, oh là là, ce référendum, si c'est le oui qui l'emporte, quelle catastrophe. On va en reparler hein, dans quelques semaines avec le Brexit, parce que si c'est le référendum, etc., etc., à nouveau, l'Écosse pourrait sortir et rester en Europe. Bon, je ferme la parenthèse, ça veut tout de même dire... Au nom de la reine, au nom de sa majesté, eh bien, on a fait beaucoup de choses dans ce pays. On ne sait pas, au fond, ce que la monarchie voulait ou ne voulait pas. Il y a un mystère aussi autour du comportement de Moscou. On n'a pas bien compris. D'un côté, il y a, évidemment, un pays qui est en guerre contre un ennemi potentiel et naturel, qui est la Grande-Bretagne, puisqu'elle est dans le camp, le camp adverse. Et puis, en même temps, quand même, c'est un régime fasciste. Et effectivement, Moscou souffle le chaud et le froid. Il n'y a pas de cohérence hein, dans la réaction de Moscou. C'est pas de cohérence apparente. Tout à fait, vous avez raison. C'est un Moscou, je crois, enfin, fatigué. Hein. C'est les dernières années, bon... Gorbatchev n'est pas encore là, enfin il n'est pas loin, hein. Mais c'est les dernières années du tout pouvoir, donc derrière voilà les grands discours, faiblesse économique, l'armée ne peut pas vraiment intervenir, on n'imagine pas d'ailleurs que Brezhnev envoie des troupes là-bas. Et puis Reagan, lui, est un jeune président, hein. Il n'a pas été élu il y a si longtemps, donc il y a ce regard sur qu'est-ce qu'on peut en faire encore aujourd'hui en Amérique du Sud, et effectivement l'idée de dire, mais si les Argentins réussissent leur coup, ça va ennuyer Reagan, sauf que Reagan et les États-Unis ont toujours soutenu les régimes de dictature d'Amérique du Sud contre une menace communiste, etc., etc. Ambigu, mais sans trop faire peur non plus, Brezhnev, à ce moment-là, c'est mon point de vue, et n'est plus un acteur majeur. Il doit intervenir, il ne peut pas être absent du théâtre des opérations, enfin du théâtre tout court, pas des opérations, mais sans grande efficacité. Alors, quel était l'état d'esprit des Britanniques au début de l'affaire ? Parce que c'est quand même pas rien. Bon, d'abord, Les sujets de Sa Majesté. Les sujets, hein, ne savent pas où sont les Falklands. Hein. Déjà, oui. Pour eux, ce sont les Falklands. Juste, vous avez donné quelques notions qui rappellent effectivement ce que sont les Falklands. J'ai revérifié sur la taille elle-même de l'île. C'est important, c'est la moitié de Paris, pas plus. Hein, l'île principale. La moitié de Paris. Voilà. Et 2500 habitants, et beaucoup, beaucoup plus de moutons. Vous avez eu raison de le souligner, et on les a entendus, et c'est très bien. Il y a aussi, une petite parenthèse, la Géorgie du Sud, une autre île, qui était en fait la première libérée quelques semaines avant les Falklands. C'est le bout du monde. Les Britanniques ne savent pas où sont les Falklands. Et au fond, ils doivent commencer par ouvrir leur livre de géographie, regarder un peu la télé. On est bien avant les chaînes d'information continue, donc il faut un peu de temps, hein, quelques heures, pour se dire mais où ça se passe. Alors c'est vrai que Mme Thatcher intervient 48 heures après au Parlement. Je trouve tout de même que c'est assez court finalement, compte tenu du contexte de l'époque. Et j'ai réécouté ce qu'elle dit, et bien elle annonce sa couleur. Elle dit on va libérer. Alors elle dit pas comment, parce qu'elle espère peut-être une négociation. Elle est gagnante sur tous les tableaux. Négociation, ça veut dire que les Argentins se retirent, disent « Oh là là, on s'est trompé ». Et puis, victoire militaire qui me semble, je le dis tout de suite, sûre dès la première heure. C'est une armée de professionnels. Je le disais à l'époque, ils ont 20 ans, un peu plus tout de même, hein, avec leurs chefs, leurs officiers, etc. Mais ce sont des pros. Ils sont prêts pour aller à la guerre et ils sont prêts très vite. Regardez, en quelques jours, l'armada est en route. Donc tout était prêt. Tout était prêt pour toute éventualité. Et celle-là, autre secret, autre mystère. Qu'est-ce que les Britanniques savaient des menaces argentines ? On ne peut pas imaginer qu'un James Bond, qu'il s'appelle Bond ou pas, avec quelques partenaires et confrères et consœurs, n'ait pas su que les Argentins préparaient un coup. C'est ça. Donc, on peut aussi imaginer que Mme Thatcher a laissé faire. Pour mieux répliquer. Oui, alors en même temps, c'était une partie assez facile, puisque en face, une dictature, etc. etc. Alors, donc, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas eu de flottement. Hein. S'il y a eu flottement, il n'était qu'apparent, clair. Et on parlait justement de l'état d'esprit des Britanniques, par rapport à les gens qui gouvernent, hein, les Britanniques. Alors, on va écouter un micro-trottoir réalisé par une équipe d'Antenne 2 à Londres à l'époque. Alors, vous savez ce que c'est, le micro-trottoir, hein. C'est vraiment 5 ou 6 réactions à un moment donné. Voilà, ça n'a pas valeur de sondage. Il faut toujours le rappeler quand on diffuse un micro-trottoir. Bref, enregistrement dans lequel on entend plusieurs habitants de la capitale britannique donner leur sentiment concernant l'envoi de la flotte et la détermination affichée au bout du compte, hein, de leur premier ministre. Est-ce que vous approuvez l'action du gouvernement dans les Falklands ? Non, non. Pourquoi ? Non, c'est une perte de temps, c'est trop loin, ça ne m'intéresse pas. Le gouvernement a bien fait. Personne n'a le droit de s'emparer comme ça d'un territoire sans négociation. Peut-être qu'ils arriveront à un compromis et tout le monde sera content. Cela arrangera les affaires de tout le monde. Je soutiens l'action du gouvernement, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, on a compris que politiquement, c'est un bon coup pour Margaret Thatcher. Hein, ah oui. Voilà. Et c'était, ça avait les allures d'un bon coup du côté argentin, mais justement, là, pour le coup, c'est totalement raté. On est bien d'accord que l'invasion des Malouines par les Argentins, c'est d'abord une manœuvre politique de la junte au pouvoir pour y rester au pouvoir. Oui, et puis pour faire oublier, effectivement, après quelques années de dictature, que la situation est difficile. Et donc, effectivement, regarder un petit peu au-delà et de dire, regardez ces îles. Alors, il faut rappeler, vous l'avez fait, c'est tout à fait juste, c'est un îlot perdu ok, dans les brumes. Mais voilà, il y a tout l'aspect géostratégique, effectivement, oui. Le pétrole. On regarde déjà à cette époque, hein, c'est pas hier, mais tout de même, ce que représente la mer, la puissance de la mer. Alors, ne dites pas ça aux Anglais, ils l'ont toujours regardé. Mais tout de même, ils se rendent compte que là, ben voilà, ils sont là, le hasard de l'histoire, c'est un accord avec l'Espagne. Hein. Effectivement, l'Espagne a rendu les Malouines, les Falklands à l'Angleterre. Il y a un vrai texte qui avait été signé, je crois, en 1770. Donc on peut dire que juridiquement, voilà, ça c'est clair. Bon. On peut avoir effectivement un autre regard, mais quand on arrive dans les années 70-80, on se dit mais la puissance maritime, elle prend un nouveau visage, donc il faut garder cette île. Côté argentin, effectivement, le pouvoir est à bout de souffle et essaie de faire vibrer cette envie nationaliste. Quand le drapeau blanc et bleu flotte au-dessus de... Voilà, c'est une manière de dire. Et ce prêtre, à la fin, qui continue à dire... Enfin, c'est tout de même extraordinaire. Mais non, tout va bien, tout va bien. Conditionnement. Discours de guerre habituel. Hein, ça, d'une dictature aussi. D'une dictature. Alors, c'est amusant, finalement, parce que c'est un front renversé. La junte de pouvoir fasciste qui comptait bien, avec cette affaire, consolider son pouvoir, en tout cas, y rester, tout ça, ça débouche sur l'élection d'une démocratie. Alors, ça va très vite, hein. Et puis évidemment, alors de l'autre côté, c'est pas tout à fait à front renversé, c'est-à-dire qu'on est dans une démocratie, on n'arrive pas dans une dictature, mais ça renforce le pouvoir de Margaret Thatcher, qui est une démocrate, hein. Mais bon, pas plus que ça non plus. Enfin, elle est autoritaire. Démocrate. Libérale. Ouais. Elle n'est pas si forte que cela, hein, en ce jour d'avril. Madame Thatcher, elle est au pouvoir depuis deux ans et demi. C'est la révolution libérale. Tout le monde a un peu peur. Il s'est dit, je vais perdre mon travail dans les services publics. Et ça commence, etc. Il y avait un peu de quoi, d'ailleurs, avoir peur. Tout à fait. Et ça commence. Et effectivement, au bout de 2-3 ans de pouvoir, l'opinion, même celle qui avait voté pour elle, même c'est à l'intérieur du Parti conservateur, commence à dire, ça va trop vite, c'est violent, etc. Arrive cette affaire des Malouines. Et puis, élection derrière. Rapprochement historique intéressant, Winston Churchill gagne la guerre et perd les élections. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Elle gagne la guerre, on ne va pas comparer la Deuxième Guerre mondiale et les Falklands, mais tout de même, elle gagne un conflit et tout de suite, et rapidement, elle va aux élections et elle gagne ses élections. Sauf que, elle s'y croit déjà, liée. Il y a un événement qui va arriver derrière, qui va traumatiser pour longtemps la Grande-Bretagne, c'est la grève des mineurs. Bien sûr. Et là, sur un front intérieur, on va retrouver, c'est 83-84, des mots de guerre. Alors, on n'est plus dans la guerre, quoique, on est tout de même entre un pouvoir très autoritaire qui dit c'est fini, les mines on ferme, on va changer de siècle. Et un monde ouvrier tellement puissant en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui se dit, mais non, on ne peut pas s'attaquer à notre histoire, à ce que nous sommes encore aujourd'hui. Arrêtez de nous présenter des bilans économiques disant que c'est fini. Je pense que ce conflit avec les mineurs n'aurait pas été le même sans les Malouines. Moi, je fais ce rapprochement. Madame Thatcher a cru que ça y était. Elle a gagné contre les mineurs aussi. On peut dire aussi que quelques années plus tard, quand on va lui demander gentiment ou pas gentiment de quitter le pouvoir, ça va se passer dans son parti, faut pas l'oublier. Bien sûr. Quelques-uns... Sous la houlette de John Major, bien sûr. Quelques-uns pensent à ce moment-là aux Malouines, sans le dire. C'est indicible. On ne peut pas dire qu'on veut se débarrasser de Madame Thatcher qui a gagné aux Malouines, mais quelque part, on veut se débarrasser de celle qui devient un peu ingérable. Alors, avez-vous des souvenirs précis, ou j'imagine que oui, des demandes de la rédaction de France Inter? Est-ce que la rédaction de France Inter était très demandeuse de sujets sur les Malouines? Est-ce que ça faisait l'ouverture de tous les journaux? Racontez-moi ça, parce que c'est intéressant aussi de voir comment un pays voisin, un partenaire de la Grande-Bretagne, s'est intéressé à cette histoire. Alors, je me suis réécouté, je dis les Malouines. Ouais. Déjà, j'ai pas dit les Falklands. Mmh. Parce que je suis français, je parle à la radio française, et donc ce sont les Malouines. C'était assez mal vu de dire ça à l'époque, parce que dire Malvinas, Malouines évidemment, c'était carrément dire je défends les thèses de l'Argentine. Oui, France Inter a vécu cet événement jour après jour, heure après heure. Compte tenu aussi du rôle de la France, de cette amour-haine entre François Mitterrand et Madame Thatcher. On aimerait savoir ce qu'ils se sont dit. Clochesson rappelait que oui, on soutient la Grande-Bretagne. Il n'était pas question d'imaginer autre chose. Il y a toute une partie militaire, évidemment, avec les Exocètes. Beaucoup de Britanniques ont dit et ont pensé que les morts de Sheffield, le navire, et puis de l'Atlantique Convoyeur, des dizaines de morts étaient des morts dues à la France. Bon, c'est un raccourci terrible, violent. Enfin, une certaine presse aussi. Enfin, c'était un vrai malaise quand même. Hein. Complètement. Pour ce dire. Sont des armes françaises, quoi. Voilà. En même temps, pas d'angélisme. Des armes, tout le monde en vend à tout le monde. Et effectivement, il y avait un suivi, une maintenance française en Argentine. Elle a dû être suspendue, mise entre parenthèses, et encore, je ne sais pas. Mais effectivement, et bon, dans notre vieux dialogue avec la Grande-Bretagne, eh bien, nos amis anglais ont trouvé là une occasion de dire « Mais qu'est-ce que font les Français là-bas? Ils ont vendu des armes à nos ennemis. » Mais vous l'avez rappelé, c'était bien avant, avant l'embargo. Alors, on va écouter justement une deuxième et dernière archive ensemble. Sur ce point, c'est la journaliste britannique Isabel Hilton qui fait des révélations sur le rôle de la France dans toute cette affaire. Isabel Hilton, la position du gouvernement français est formelle. En ce qui concerne le lanceur, l'assistance technique a cessé dès que l'embargo a été décidé. En ce qui concerne le missile proprement dit, une mission de la CNIAS devait aller en Argentine, elle a été annulée. Êtes-vous d'accord avec cela ? Je suis d'accord avec le fait que la mission de SNAT n'est pas venue en Argentine, ça c'est vrai. Mais le travail qu'il devrait faire a été fait par l'équipe de Dassault qui était déjà sur place et qui est toujours sur place. Ce travail a été effectué selon vous sur le lance-missile? Oui, pas selon moi, selon le chef de l'équipe de Dassault qui m'a expliqué comment ils ont fait les essais sur le lance-missile, qui est très important parce que sans ça on ne peut pas lancer les missiles, effectivement. J'ai jamais dit qu'ils ont monté les missiles sur l'avion, ça a été fait par la marine argentine parce qu'ils avaient appris à faire ça en France l'année passée. Vous avez enregistré une interview du chef de la mission d'assaut? Oui. Oui. Bon, écoutons-en un bref passage. Oui, bon. Disons que on était là et personne ne nous a demandé de revenir. Et bon, nous sommes ici, nous avons donc été envoyés pour un contrat d'assistance technique pour assurer l'entretien des avions, enfin pour aider donc la bon. Alors, l'armée. Ils sont bon. Ils expliquent qu'ils ont resté et continuent à travailler comme pour leur contrat d'assistance technique. Ils n'ont jamais arrêté. Un commentaire. On était là. Bah on était là. Bah oui. Cet esprit commercial après tout. L'histoire n'est pas écrite complètement aujourd'hui parce que effectivement notre consort le rappelait entre être là et aider. Bon, il est assez reconnu qu'il n'y a pas eu d'aide. Voilà, il n'y avait pas de Français sur les bateaux argentins, etc. Mais la France, grand vendeur d'armes, fait son travail. Et ça apprendra aussi au pays à vendre des armes, soit dit au passage. Hein. Alors, on l'a rappelé, le conflit a fait 900 morts, il y a eu des centaines de blessés, il y a eu des morts britanniques. Comment s'est passé le retour des soldats? Est-ce qu'il y avait un retour genre glorieux, on revient de campagne, on revient d'une guerre qu'on a gagnée mais quand oui, même? Mais oui, retour ouais. Glorieux, mais en même temps, qui aurait osé à Portsmouth, à Plymouth, ailleurs, dire c'est abominable ce qui s'est passé? Personne ne pouvait avoir un autre discours. Il y a tout de même un moment important pendant ces semaines-là, c'est la position de la BBC avec ce directeur de la BBC qui a eu affaire au gouvernement, à Madame Thatcher directement, et qui a dit « Mais attendez, moi, le malheur, le chagrin d'une mère d'un soldat argentin tué vaut le malheur, le chagrin d'une mère d'un soldat britannique. » Ça, pendant 48 heures, on s'est dit « Mais ce directeur va perdre son poste. » Finalement, la BBC est tout de même assez forte, c'est aussi une institution. Elle a fait son travail. Pour répondre directement à votre question, non, effectivement, personne ne pouvait avoir un autre discours. Voilà, donc c'était glorieux, c'était 1945, ou presque. Alors, vous êtes resté de 81 à 87, c'est ça? 6 ans. 6 ans, bien sûr. Est-ce que la guerre des Malouines fait partie de vos grands souvenirs de reporter et de journaliste? 5 secondes, bah, c'est oui. J'adore. Je comprends et je ne comprends pas mes amis anglais. Donc effectivement, très très grand souvenir. Très très grand souvenir. Merci infiniment Pascal Delannoy. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre des Malouines, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Elle sera consacrée à Claude Nougaro façon Jean Bondiorle.